Jean de Joinville participa, au milieu du XIIIe siècle, à la septième croisade en Égypte sous les ordres de Louis IX. Il dicta une histoire de Saint-Louis achevée au début du XIVe siècle. Voici les quelques extraits que j'ai enregistrés pour vous.